On boit, on mange, on rampe, on chuchote, on oublie. L'ordre n'est plus troublé par un noir songe creux. On est des loups contents et des ânes heureux. Le bonze met son masque et le temple son voile. Quant au rêveur, marchant en avant de l'étoile, qui venait déranger Moïse et Mahomet, on ne sait même plus comment il se nommait. Et qu'annonçait-il donc? La vérité? Quel songe! Au fond, la vérité vivant, c'est un mensonge. La vérité n'est pas. Fermons les yeux, dormons. Tout à coup, au milieu des psaumes, des sermons, des hymnes, des chansons, des cris, des ironies, quelque chose à travers les brumes infinies semble apparaître au seuil du ciel, et l'on croit voir un point confus blanchir au fond du gouffre noir, comme un aigle arrivant dont grandit l'envergure. Et le point lumineux devient une figure, et la figure croît de moment en moment, et devient, ô terreur, un éblouissement.